vois tes enfants tous les 5 ans. Aujourd'hui tu t'ennuies de ta maman. Mon Dieu, comme tu détonnes, petite maman. Monoparentale, tu dois suer pas mal. Tes 5 enfants pourront réclamer un panier de denrées charité. C'est Noël, tant pis pour toi. Désolé, tu ne cadres pas. C'est la fête où on consomme et on sourit. C'est comme ça qu'elle nous aime, l'industrie. Dégage, dégage, je me guette. Ne vois-tu pas, tu ennuies les heureux. Tu couches dehors, tu dois avoir si froid. La société te dit, c'est un peu à cause de moi. Tu vis au beau décor, petit enfant sale. Petit tout rabougri, comme tu parais mal. Au père, ce bouchon te fait la leçon. Avec ses vieux caleçons, il est toujours rond. C'est Noël, tant pis pour toi. Désolé, tu ne réponds pas. Norme de la fête, de la bonté télévisée, que tous les médias ont exigée.